Chapitre 9. Balao se défend. Voilà deux nuits que Coriolis n'a point quitté sa tour. Il avait fait construire, là-haut, une sorte de belvédère, où il aimait aller se recueillir, ne se trouvant pas sur sa terre, malgré les murs qui la défendaient, assez loin des hommes qu'il méprisait. Là, Coriolis vient de passer deux nuits et un jour atroces. On ne saura jamais ce qu'il a souffert. Bien qu'il ne fût point porté à s'exagérer l'importance de la disparition d'un Herman de Mérantin de la surface du globe. Quand on est le cousin germain d'un monsieur qui a écrit sur le darwinisme et sur les théories transformistes, toutes les bêtises dont ce bibliothécaire prétentieux, pendant 20 ans, a rempli les revues savantes, on ne doit pas s'attendre à être pleuré par un vieil original qui, lui, a étudié la nature de près, sous toutes les latitudes, et qu'il l'a embrassée d'un coup d'œil, la jugeant une et indivisible, et s'apprêtant, avec son anthropopithèque, à le prouver. Au fond, qu'était-il venu faire chez lui, ce Mérantin de juge? Il lui avait peut-être été envoyé par le cousin de l'Institut, qui aurait eu vent de l'anthropopithèque. Évidemment, cet anthropopithèque allait gêner bien du monde. Mais tant pis pour les imbéciles qui ne croient pas au transformisme. A-t-on jamais entendu une stupidité pareille? Croire que les espèces ne sont jamais transformées sur la Terre? Mais la Terre, elle, est-ce qu'elle se transforme, oui ou non? Depuis l'époque du feu jusqu'à celle des croûtes de l'Institut? Alors, sur la Terre qui se transforme, sur le monde qui mue, on aurait tranquillement déposé des espèces qui, elles, ne changent pas, ne s'améliorent pas, ne pourrissent pas avec les mondes. Ah, les colères de Coriolis dans son mirador! Heureusement qu'il était là, lui. Parfaitement. Et cette prodigieuse chaîne de la vie, orgueilleusement rompue par l'homme qui ne veut rien savoir de ses frères, les animaux, il allait la souder pour toujours à la patte de se révolter. Avec son anthropopithèque, il allait dire à l'homme « Animal toi-même », puisqu'il avait fait de l'anthropopithèque un homme. Mais hélas, quelle catastrophe! C'est au moment où il se proposait, après tant d'années de travail et de patience, de faire connaître son chef-d'œuvre et de le faire entrer, de plein droit, dans la grande famille humaine, que le produit humain de son génie et de ses veilles se conduisait comme une vieille bête sauvage de la forêt de Bandung. Car, il ne pouvait plus se le dissimuler, le geste de meurtre de son petit Balao avait été aussi inconscient que le craquement de la mâchoire des fauves sur la proie dans la jungle. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Ah oui, Coriolis souffrait bien, car il aimait Balao comme un père aime son enfant. Du reste, tous ceux qui connaissaient Balao ne pouvaient que l'aimer, tant il était gentil, simple, charmant et naturel. Il est certain que, si Balao avait laissé le temps à M. Herman de Mérantin, celui-ci eût été séduit comme les autres. Mais il ne lui en avait pas laissé le temps. On comprendra, ceci dit, pourquoi, tout en haut de sa tour, Coriolis pleurait, et pourquoi Madeleine, qui, dans la salle à manger, sous la lampe, tâchait de coudre sans y arriver, pleurait dans sa petite bannette d'osier où elle rangeait son fil. Et pourquoi la vieille Gertrude, dans sa cuisine, arrosait de ses larmes le cuir à nettoyer les couteaux. Gertrude ignorait le malheur survenu à un noble étranger en visite chez son cher Noël. Mais, comme on n'avait pas vu Balao depuis 5 jours, elle n'était point loin de croire qu'il avait fait un sale coup. Depuis 3 jours surtout, on n'osait plus parler au maître, qui s'était enfermé dans sa tour, et Madeleine essuyait ses yeux humides dans tous les coins. Enfin, chose extraordinaire, depuis 3 jours on avait défendu à Gertrude de sortir dans le village, sous quelque prétexte que ce fût. Bien mieux, toutes les portes de la maison avaient été fermées, quasi barricadées. C'est sur ces entrefaites qu'une nuit, on avait entendu les coups de fusil dans le village, et qu'une grande lueur avait monté derrière la place de la mairie. Tant de mystères faisaient trembler. Pour Balao, Gertrude avait redouté le pire. Son angoisse n'avait pas connu de bornes lorsqu'un après-midi, étant montée dans la chambre de mademoiselle, elle avait aperçu les routes noires de monde. Et dans les champs, se dirigeant vers la forêt, des soldats. On lui avait répondu que c'était des manœuvres. mais tout ceci était loin d'être clair. Un fait certain était que Balao ne revenait point. Gertrude avait eu, plus d'une fois, l'occasion de contempler les mains de pied de Balao, et elle était au courant du grand mystère. Aussi elle aimait Balao, non point comme un être humain, mais comme une chère petite bête à soie, c'est-à-dire avec un amour de vieille femme incommensurable. Par la porte entr'ouverte, les deux femmes eussent pu se communiquer leur mutuel chagrin, et cependant elles hésitaient à le faire, surtout qu'elles ne pouvaient que l'approfondir. Enfin, Gertrude n'y tint plus. « Où peut-il être maintenant ? Quand je pense, gémit-elle, que samedi dernier, il était encore là, assis sur cette chaise, à m'éplucher mes poireaux, en me racontant ses histoires de la forêt de Bandang. Il y a de quoi en mourir de chagrin. Pour sûr, il lui est arrivé un malheur. » Elle ne comprenait pas que Madeleine ne sortît point pour l'appeler comme elle faisait quand il tardait trop. « Il fera ce qu'il voudra, » soupirait Madeleine. « S'il est si longtemps dehors, c'est qu'il ne nous aime plus. Papa a raison, il est assez grand maintenant pour un homme. Il doit savoir ce qu'il lui reste à faire. Si la société de la forêt lui plaît davantage que la nôtre, tant pis pour lui. Ce ne sera jamais qu'un Balao de la forêt, et il faut renoncer à son âge à en faire un homme convenable. » « Mademoiselle se consomme bien facilement, » répartait Gertrude, « et je ne trouve pas ça naturel. » On me cache quelque chose ici. On n'a plus confiance en moi. Si je gêne, il faut le dire. Tu parles comme une toquée de vieille bonne femme. On ne te cache rien. Balao ne nous aime plus, et je ne vois pas pourquoi je ne m'en consolerai pas. Ça n'est qu'un singe, après tout. Vous me crevez le cœur avec des mots pareils. Gertrude avait un cœur sensible, et elle avait failli, jadis, mourir de chagrin à la mort d'un petit bossu de chat qu'elle avait, par mégarde, enfermé dans un tiroir. « Vous n'avez pas toujours dit ça. Vous disiez, ce garçon a une intelligence extraordinaire et comprend tout ce qu'on lui dit et il devine le reste. Il en remontrerait au maire et au curé. Vous avez dit ça, oui ou non ?» Le mauvais instinct reprend toujours le dessus chez les enfants qui ont de mauvais parents, répliquait Madeleine en montrant son petit nez rouge, tout inondé de ses larmes et de son sincère désespoir. « Il ne les a pas connus assez longtemps pour prendre de mauvaises manières. » répartait Gertrude, qui défendait Balao pied à pied. Oh, il avait 5 ou 6 ans quand il les a quittés. C'est beaucoup pour un petit de grand singe, ma vieille Gertrude. Tu ne sais pas cela? Je sais qu'il ne savait pas encore parler, bien sûr. Il a tout appris chez vous. Et toutes les manières qu'il a, c'est les vôtres, toutes crachées. Il marche comme monsieur, le dos un peu voûté et les pieds en dehors. Et quand il rit, il vous imite si bien, mademoiselle, que si on ne le voyait pas, on croirait que c'est vous. Merci, Gertrude. Je ne vous dis pas ça pour vous froisser. Il y a un temps où je vous aurais fait plaisir. Mais vous n'aimez plus Balao. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » À ce moment, la vieille Gertrude s'arrêta de repasser ses couteaux et courut dans la salle à manger, car mademoiselle avait une vraie crise. Elle sanglotait, les coudes à la table, la jolie petite tête blonde dans les mains, et l'on voyait ses épaules sauter sous le spasme. « Mademoiselle, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a ? Seigneur Jésus, c'est moi qui vous ai fait de la peine. Mais dites-moi quelque chose, vous me faites peur. Laisse-moi, Gertrude, laisse-moi. Plus souvent que je vous laisserai dans un état pareil, je vais appeler monsieur. Non, non, Gertrude, ne l'appelle pas. Là, c'est fini, c'est fini. Pour sûr, il y a un malheur d'arriver. Tais-toi avec tes malheurs. Quel malheur veux-tu qu'il soit arrivé ? « Il n'y a pas de malheur du tout, entends-tu, vieille bête ?»« Je vous demande bien pardon, mademoiselle, » fit Gertrude blessée dans son orgueil. Et elle retourna à sa cuisine. Elles restèrent là, sans plus se dire un mot. La nuit s'avançait. Gertrude alluma sa lanterne et se prépara à regagner sa soupente. Elle adressa un bonsoir attendri à Madeleine, qui leva la tête et lui demanda de ne point la quitter de toute la nuit. « Tu m'as fait peur avec tes malheurs, Gertrude. » Viens coucher dans ma chambre, on jettera un matelas par terre. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus? Je ne vous ai jamais vu comme ça, mademoiselle. Vous n'allez pas dire bonsoir à votre père? Non, il ne veut pas qu'on le dérange, il travaille. Il ne travaille pas plus que nous, il attend que Balao revienne, mademoiselle. C'est pas la vieille Gertrude qu'on en ferait à croire. Elles couchèrent toutes les deux dans la même chambre, mais Gertrude sur le plancher, pas plus que Madeleine dans son lit, ne purent dormir. Et il était bien dans les 2 heures du matin quand, d'un même mouvement, elles se dressèrent toutes deux sur leur séant, l'oreille aux écoutes. « Vous avez entendu, mademoiselle ?»« Oui, oui, Gertrude. On dirait que c'est lui, n'est-ce pas ?»« Ça vient du côté de la forêt. » »« On dirait que la forêt soupire. » »« C'est mauvais signe, » dit Madeleine, la voix toute angoissée. « Ces soupirs-là m'ont toujours fait peur. » Elles se turent, et puis, comme les soupirs de la forêt reprenaient, elles se levèrent, passèrent hâtivement un vêtement et entr'ouvrirent la fenêtre. Et tout de suite elles murmurèrent « C'est lui, c'est lui !» Au loin, sous la lune, elles apercevaient la lisière des bois, et c'est de cet horizon proche, mystérieux et troublant, qu'un étrange souffle grondant accourait vers elles. Le grondement augmentait et devenait roulement, comme le bruit commençant de la foudre qui s'essaye avant l'orage. Comme un immense nuage noir, lourd de tempête, la forêt était posée sur la terre, sur les champs qui déjà tressaillaient sous la voix encore lointaine du tonnerre. Et soudain le tonnerre éclata. Note. De l'avis de tous les voyageurs qui ont entendu l'orang-outan dans la forêt vierge, on ne peut comparer sa voix de tonnerre qu'à l'éclat de la foudre et au grondement du tonnerre. Un orang-outan furieux fait entendre à plusieurs kilomètres à la ronde un bruit d'orage auquel plus d'un chasseur inexpérimenté s'est trompé tout d'abord. Et soudain le tonnerre éclata, et si furieusement que Madeleine, défaillante, gémit. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on lui fait ? Balao n'a jamais tonné si fort !» Et comme, dans le même moment, des coups de feu se firent entendre sous bois avec des clameurs, les deux femmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, épouvantées, balbutiant « Balao, Balao !» Une nouvelle décharge lointaine les galvanisa, les jeta hors de la chambre comme des folles, traversant toute la maison et courant à la tour, dont elles escaladèrent l'escalier branlant en appelant le docteur. « On tuait Balao ! Les hommes tuaient Balao !» Elles firent irruption dans le belvédère, au milieu duquel le vieil original s'agitait comme un fauve dans une cage, se précipitant d'une vitre à l'autre, les poings crispés, la bouche ardente. Coriolis, étouffant, avait arraché sa cravate, son faux col, sa chemise, et, de temps à autre, quand les coups de feu retentissaient à nouveau au cœur des bois sombres, ses ongles allaient ensangloter sa poitrine nue. Il râlait, les yeux hors des orbites. « Ils vont me le tuer, ils vont me le tuer, ah les bandits, les assassins, les hommes !» Sa rage souveraine ne trouvait point d'expression plus forte, et du reste il n'en cherchait pas. Elle s'y tint. « Les hommes, les hommes !» Était-ce possible, cela, qu'ils allaient détruire son œuvre, lui tuer son enfant? On avait découvert Balao. Jamais Quadrumane supérieur, attaqué par la bande des chasseurs de la brousse, n'avait fait résonner des profondeurs équatoriales d'une colère plus gigantesque au milieu des coups de feu. Coriolis s'arrachait les cheveux à poignée. Il ne prit point garde à l'entrée des femmes. Penché au-dessus de la tour, il criait maintenant dans la nuit. « Hardi, hardi, hardi, Balao, défends-toi ! Les lâches qui se mettent 1000 contre 1, 1000 contre 1 avec des fusils. Hardi, tue, tue !» Madeleine, voyant son égarement, essaya de le faire taire, mais ce fut en vain. Il la repoussait avec la dernière brutalité. Il montrait le poing au ciel, à la terre, il maudissait l'univers. Un pareil ouvrage. On lui assassinait un pareil ouvrage, l'ouvrage d'un dieu. Car il avait été aussi fort que Dieu, ce vieil original, avec son anthropopithèque. Il avait créé l'homme, et plus vite que lui. Là où l'autre avait mis peut-être 500 000 ans, il avait mis 10 ans, lui, le vieil original. 10 ans avec 2 coups de bistouri sous la langue. Et tout cela pour aboutir à quoi? À ce qu'on osa lui anéantir son chef-d'œuvre au coin d'un bois? Misère! Et il pleura. Il pleura car on n'entendait plus rien. L'affaire devait être terminée. Il ne devait plus rien rester de Balao. Madeleine avait pris la tête de son père sur ses genoux et le caressait et le consolait comme un vieil enfant. Il ne lui répondait pas. Il ne l'entendait certainement pas. De temps en temps, il reprenait. C'est fini, c'est fini. On ne reverra plus Balao, on ne le reverra plus. » Gertrude aussi pleurait. À travers les divagations du maître, elle avait compris que son Balao avait fait quelque chose d'horrible. Le jour les surprit tous trois dans le belvédère. Ils étaient encore là, à l'heure où la nature semble s'arracher des brouillards de l'aube, où les teintes grises opaques enveloppent les basses futaies, tandis que tout là-bas, dans l'horizon plus clair, on voyait pointiller la cime chaude des grands arbres. Et ils assistèrent, le cœur terrifié, au réveil de la nature. C'est le moment où la terre fume, où la brise tombe, où les fauves hument la laine de la terre qui les fait fort. Ah, comme Balao l'avait aimé cette heure-là, et que deux fois Coriolis l'avait surpris, le nez dans les herbes fraîches, reniflant l'odeur âcre du matin. Que deux fois il avait dû le ramener, presque de force, à l'étude où l'attendait sa dictée. Pauvre Balao, qui avait tant aimé l'école buissonnière. Comment se faire à l'idée qu'il ne devait plus être qu'un cadavre en pièces, que ces brutes d'hommes, qui se mettent mille contre un, allaient ramener sur deux branches d'arbres, ne soupçonnant point quel miraculeux gibier ils avaient tué là. Mais la pensée de Coriolis se transforma tout à coup à une réflexion de Madeleine. « S'ils l'ont tué, disait-elle, on le saura bien, on reconnaîtra Monsieur Noël. »« Certainement, certainement, il se trouvera bien des gens pour le reconnaître, et on allait bientôt venir lui demander, à lui, Coriolis, des explications. » « Eh bien, il en donnerait, qu'à cela ne tienne, il en donnerait. Il en appellerait au témoignage de ceux qui avaient parlé à Monsieur Noël, à Madame Boche, à Madame Mur, aux petits commerçants de la rue Neuve, et même à ces sacripants de fer vautrin dans leur prison, car le docteur Coriolis ignorait tout de leur évasion. Et l'on saurait ce qu'on avait tué, ce qu'on avait à jamais fait taire, la parole humaine dans la gorge d'un singe. » Comme il en était à cette période nouvelle de son désespoir, il vit des groupes qui sortaient de la forêt et qui marchaient lentement devant quelque chose qu'il ne pouvait encore distinguer, mais qui ressemblait à un fardeau jeté sur des branches d'arbres, et il ne douta plus que ce fût la dépouille mortelle de Balao que l'on rapportait au village. Bientôt il reconnut en tête le maire et le préfet qu'il avait vus de loin la veille, et dont la bizarre attitude lui avait causé tant d'inquiétude. Tous deux semblaient parler avec une grande agitation et faisaient les gestes d'une désolation immense. Les soldats, les paysans suivaient avec les mêmes gesticulations. Et tout le monde accompagnait l'espèce de litière funèbre sur laquelle on avait jeté un grand manteau militaire. Au fur et à mesure que le cortège avançait, on voyait mieux les détails. Quand la litière passa au pied de la tour, Madeleine et Gertrude éclatèrent en sanglots, pendant que Coriolis, pâle comme un mort, se penchait à tomber pour mieux voir. Mais il ne vit rien d'autre que le manteau, sous lequel se dessinait une forme humaine, qui devait être la forme de Balao. Ce cortège passé, il en arriva tout de suite un autre, et c'était comme des tas de gens et des militaires, autour d'une civière recouverte d'un manteau, avec dessous une autre forme humaine. Et puis il y en eut une autre, et une autre encore. Ça faisait quatre cortèges funèbres. « Oh, oh !» murmura Coriolis, qui n'avait plus la force de se soutenir et qui put croire que sa raison allait le quitter pour toujours. « Oh, oh, Balao s'est défendu !» Mais ce n'était pas fini. Peu à peu, la forêt rendait tous les soldats qu'elle avait pris la veille. Mais dans quel état? Après les morts, les blessés. Il y en avait au moins une vingtaine qui arrivaient à la queue leu-leu, soutenus par des camarades, les bras en écharpe, des linges sur le front. Sacré Balao va! Enfin, un dernier cortège survint. Il était formé d'un groupe dans lequel se débattait, étrangement, une figure qui ne paraissait point inconnue à Coriolis. Tout à coup, celui-ci la reconnut. Le docteur Honorat. Mais quel docteur Honorat? Coriolis ne comprenait rien à l'attitude de ce cher docteur, ni à ses cris. La figure d'Honorat était en sang et chantait la Marseillaise. Celui-là, c'était un que Balao avait rendu fou. Coriolis, se rappelant enfin qu'il était un de la race humaine, secoua la tête et demanda « Combien de morts ?» Comme les autres ne répondaient toujours pas, il eut un mouvement terrible d'impatience. Je vous demande combien de morts, combien de morts ? » « Mais papa, nous ne savons pas, » dit enfin la voix tremblante de Madeleine. « Eh bien, toi, Gertrude, va aux nouvelles. » Elle y alla. Il y avait 4 morts et 27 blessés. La première victime était le comte de Terre-Noire, mort au champ d'honneur, à la tête de ses troupes, le crâne fracassé par une coquille de noix. C'était lui qui se trouvait sous le premier manteau, et il avait été déposé en grande pompe sur le pupitre de la salle des mariages. Les 3 autres morts, 2 simples soldats, avaient été alignés par terre, à même le plancher de la salle des délibérations du conseil municipal. Autour de ces 4 héros, il y avait beaucoup d'éclopés, de bras et de jambes cassés, de nez démolis. Mais le plus abîmé était certainement le colonel du Briage, à qui il était arrivé une aventure inouïe, sur laquelle il ne pouvait malheureusement s'expliquer, car il était revenu la mâchoire en capilotade, les dents brisées et la langue coupée, en sus les 2 poignets rompus. Quant aux 3 frères, bien entendu, on n'en avait pas ramené un seul, mort ou vivant. Bien mieux, on ne les avait pas vus, et ils n'avaient pas tiré un coup de fusil. On les avait fusillés au hasard, mais nul ne pouvait dire si on avait réussi seulement à les atteindre. On n'avait retrouvé que le docteur Honora, au centre de la clairière de Moabit, attaché au pied d'un arbre. Pendant tout le compas, il avait chanté le chant des Girondins, « Mourir pour la patrie ». Et après, quand on avait voulu le faire parler, il avait entonné la Marseillaise qu'il chantait encore. Le maire était consterné. Quant au préfet, il ne s'occupait que d'un télégramme que l'on venait de lui apporter et dans lequel le gouvernement lui annonçait sa révocation. Après être allée à la mairie, Gertrude s'était dirigée vers le soleil noir. Il y avait une telle foule dans la rue qu'elle vit bien qu'elle ne pourrait jamais atteindre la porte des Roubions, chez lesquels généralement se centralisaient toutes les nouvelles du pays. Cependant, elle parvint par les cuisines dans la grande salle d'été, transformée en infirmerie, dans le moment même que Boissansoif, sergent à la 2 du 3, racontait les terribles et rapides et incompréhensibles événements auxquels, personnellement, il avait assisté. Il avait la veine, lui, de s'en tirer avec une oreille fendue. Et maintenant que c'était passé, pour sûr, il ne regrettait rien. Boissansoif s'exprimait autant avec les gestes qu'avec la parole, et souvent on comprenait mieux les uns que les autres. On voyait très bien, comme si on y avait été, la petite troupe qu'il commandait se glisser dans les hautes fougères, sans bruit, dans les ténèbres et le silence de la forêt. Et cela, rien qu'à la façon dont il se courbait, assouplissait le corps, allongeait les bras, remuait les doigts tâtonnants et prudents. Et puis, toute la mystérieuse bataille s'évoquait avec un torse redressé, les poings fendant l'air, frappant on ne sait quelle forme fuyante et inconnue. Et puis c'était les fusillades. Pan, pan, pan, pan. La joue penchée sur son bras comme s'il visait. Ah, on y était, on y était. Mais on n'en savait pas plus long pour ça, car enfin, qu'est-ce qu'on savait? Rien, mais rien de rien. On savait qu'il y avait des morts, voilà tout, et des blessés. Mais comment tout cela était-il arrivé? Ah, voilà le hic, voilà le hic. Le colonel seul, peut-être, aurait pu le dire. Mais il ne pouvait plus parler. Et pour l'écrire, il faudrait attendre longtemps, car il avait les 2 poignets brisés. Quant à lui, Boissansoif, il ne pouvait affirmer qu'une chose, c'est que toute l'affaire était venue d'en haut. Oui, la catastrophe était tombée, comme qui dirait, du ciel. Dans le moment qu'on croyait surprendre les 3 frères et qu'on était plus loin de Moabit, il avait vu devant lui, sous la lune, debout au milieu d'un petit sentier, l'ombre du colonel Briage, qui, tout à coup, se soulevait de terre absolument comme on voit dans les tableaux d'église, notre Seigneur Jésus-Christ s'élevait comme en ballon le jour de son ascension. Le colonel montait au ciel. Pas un mot, pas un cri. Il ne disait rien, le colo. Mais il montait au ciel, les bras étendus, comme pour bénir la terre. Boissansoif n'était pas le seul à avoir vu une chose pareille. Tous ses camarades à côté de lui l'avaient vu. Et tous en avaient été si frappés qu'ils avaient cru d'abord qu'ils rêvaient, qu'ils étaient victimes d'une illusion, d'une hallucination. Et puis, il avait bien fallu se rendre compte que le colonel avait disparu. 2 officiers derrière lui avaient également assisté à l'inouï sortilège. Et ils s'étaient tous mis, officiers et soldats, la tête en l'air, à appeler le colonel à mi-voix. « Colonel ! Colonel !» comme s'ils espéraient qu'il allait leur tomber du ciel. Son ombre avait disparu derrière les hautes branches des arbres, montant toujours. Le premier mouvement d'affolement passé, on s'était précipité. On avait grimpé dans les branches, on avait rapidement battu ce coin de forêt. Mais rien, personne, plus de colonel. Une pareille nouvelle s'était répandue rapidement sur toute la ligne qui resserrait son étreinte autour de Moabit. Bois sans soif, envoyé en mission par son lieutenant auprès du commandant de Terre Noire, arriva juste pour voir disparaître celui-ci, comme il avait vu s'envoler le colonel. Cette fois-ci, ce fut une épouvante. Le commandant et quelques officiers se tenaient à cheval sous les branches d'un gros chêne. À ce moment, on craignait en effet la pluie, car, bien que le ciel fût clair et la lune nette comme une pièce de 100 sous, les premiers grondements d'un orage tout proche se faisaient entendre. Tout à coup, on put croire que le chêne lui-même venait d'être frappé, car il y eut un coup de tonnerre effrayant dans l'arbre, et les chevaux sautèrent, se cabrèrent et nirent de terreur. Il était impossible de les maintenir. Bois sans soif vivrait 100 ans, qu'il n'oublierait jamais l'instant où le commandant de Terre Noire, sur son cheval cabré, fut enlevé de selle par quelque chose qui tombait de l'arbre et qui cependant y restait suspendu. C'était comme une balançoire à laquelle était pris maintenant par les pieds le vicomte dont la tête balayait la terre. Il était impossible de se rendre bien compte d'un aussi singulier spectacle, d'abord parce qu'il faisait nuit et que la lune arrivait difficilement sous les branches, ensuite parce que tout le monde avait perdu son sang-froid. Les chevaux renversaient tout obstacle, s'étaient enfuis, emportant leurs cavaliers ou les laissant sous les branches. Les hommes à pied s'étaient portés au secours de l'officier, qui se mit à tournoyer et à s'abattre comme une massue, dans le groupe imprudent qui avait voulu le sauver. Ah! Ça n'avait pas duré une minute. Il y en avait deux, un lieutenant et un sous-lieutenant, qui avaient été tués sur le coup, à coups de vicomte, dont la tête n'était plus que de la bouillie. Et lui-même, le vicomte, devenu une arme inutile, avait été vite rejeté par la balançoire au milieu des morts et des éclopés. Au bruit de cette bataille, aux cris, aux gémissements des mourants et des blessés, des officiers étaient accourus et, sans savoir sur qui on tirait, avaient commandé d'ouvrir le feu, quitte à ce qu'on se fusillât les uns les autres à bout portant. On s'était rué ensuite sur Moabit en poussant des cris de sauvages. Tous les hommes encore valides, furieux, enragés, se déchirant aux ronces, aux buissons impénétrables, bondissant dans les taillis, affolés à l'idée qu'on se battait contre une force mystérieuse, contre une arme nouvelle de la forêt, inventée par les trois frères, s'étaient élancés avec des cris de barbares, comme lorsqu'on monte à l'assaut. Ah, cet assaut de Moabit! Bois sans soif l'avait encore dans l'oreille, avec les clameurs des pousse-cailloux et le tonnerre des arbres, car les arbres autour d'eux grondaient, haletaient, rugissaient comme s'ils avaient été l'orage lui-même. On eût dit que les arbres se défendaient, et de temps à autre, il arrivait du haut des arbres des coups terribles, décochés par les trois frères qu'on ne voyait jamais et sur lesquels on tirait toujours. Des coups à vous assommer. À côté de vous, un camarade tombait sans qu'on pût se rendre compte de rien. Il ne disait même pas ouf. Des coups de matraque effrayants qui pleuvaient des arbres et qui vous fichaient le nez en terre, assommé. Lui, Bois sans soif, avait été éraflé par un coup pareil, simplement éraflé, heureusement, et il en avait eu l'oreille fendue, et il avait été assis par terre comme un enfant, et il en avait vu 36 chandelles. Mais il y en avait d'autres qui ne remueraient pas une patte d'ici longtemps, et d'autres aussi qui ne remueraient plus jamais, jamais. Ah! On s'en souviendrait des trois frères et du siège des bois noirs. Mais jamais, bien sûr, non plus, on ne pourrait s'expliquer comment la forêt s'était défendue comme ça. Sans compter les bêtes qui s'étaient battues aussi comme des enragés, des animaux par centaines qui semblaient s'être réfugiés dans Moabit comme dans un fort, et qui faisaient des sorties, se ruaient sur les soldats, détalaient de tous côtés, des sangliers, des loups qui se sauvaient de toutes parts, semant le désordre dans les rangs, des bandes qui se précipitaient devant elle en aveugle, renversant et piétinant tout ce qu'elle rencontrait. On avait retrouvé au petit jour le colonel dans l'état qui a été dit, à l'endroit même d'où il s'était envolé. Alors on avait ramassé les blessés et les morts, et on était revenu. Bois sans soif s'était tu. Tout près de là, la cloche des trépassés continuait à pleurer sur cette expédition néfaste et, à tout point de vue, déplorable. Gertrude s'en alla. Mais elle ne rentra pas tout de suite. Elle alla rendre visite à Madame Mur et à Madame Bosch et à la cuisinière de Madame Valentin, qu'elle trouva tout en larmes à cause de ce pauvre monsieur de Terre-Noire qui aimait tant Madame. Et ainsi elle put apprendre encore tous les événements de la veille et de l'avant-veille. Lestée, elle reprit le chemin de la tour de Coriolis, le cœur en joie. « Eh bien !» lui demanda Coriolis, de si loin qu'il l'aperçut, cependant que Madeleine, de son côté, s'apprêtait à entendre des pires nouvelles. « Eh bien, il n'a rien !»« Comment il n'a rien ?»« Mais non, tout ça ne le regarde pas. Ils ont chassé dans la forêt les trois frères, qui s'étaient échappés de prison et qui avaient pendu le juge d'instruction, comme ils avaient pendu déjà Camus et Lombard, et ce pauvre monsieur Blondel. » Elle expliqua avec une naïveté parfaite. « Les trois frères se sont défendus et en ont assommé une trentaine. Il y en a quatre de morts. »« Ah bah !» s'exclama Coriolis qui revenait à la vie et dont le cœur recommençait à battre sous les coups d'une puissante allégresse. « Et Balao ?»« Quoi, Balao? Qu'est-ce qui vous parle de Balao ?»« Quand on vous dit qu'il n'y était pas. »« Mon Dieu !» s'écria reconnaissante envers la Providence Madeleine. « Mon Dieu, serait-ce possible ?»« C'est comme je vous le dis, sur ma part de paradis !» répliqua avec un toupet admirable la vieille femme qui savait parfaitement à quoi s'en tenir sur la mystérieuse défense de la forêt et sur la bataille des arbres. Coriolis et Madeleine s'embrassèrent. Après quoi Madeleine, hésitante, dit « Tout de même, il a bien tonné cette nuit dans la forêt. » « C'est les soldats qui lui auront fait peur, » répliqua Gertrude. « Et puis il a peut-être du chagrin, » émit avec intention Coriolis. « Il est resté trop longtemps dehors et il n'ose plus rentrer. Tu devras aller le chercher, Madeleine. » Madeleine ne se le fit pas dire deux fois. Un quart d'heure après, elle se promenait à petits pas dans les sentiers de la forêt, appelant de sa voix la plus douce. « Balao ! Balao ! Balao ! » Et elle ne fut pas longtemps à voir venir à elle, les habits en désordre, la tête basse, la mine repentante, pleurnichant et geignant, le timide Balao, qui se jeta à ses genoux en murmurant, comme au jour de la forêt de Bandang, quand, après un mauvais coup, il rentrait à la hutte maternelle, où une bonne correction l'attendait. « Wouhoup, brout, wouhoup, brout, brout, brout !» Note. Dans le langage grand singe, « Wouhoup, brout » veut dire « grâce ».« Veux-tu parler chrétien, sauvage ?» fit-elle les larmes aux yeux. « Grâce » soupira-t-il, avec sa bonne voix de gong fêlée. Elle le ramena à la maison par l'oreille. Tout de même, c'était lui qui avait pendu M. Herman de Mérantin. Il fit 8 jours de cachot qui n'était pas volé.